Le Temps du Don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don. Au programme de cette 12e et dernière émission de la première saison, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito portera sur toutes les formes de dons. Et ce mois-ci, nous parlerons don d'organes puisque nous recevrons le secrétaire de la DOT. Nous finirons bien entendu avec l'agenda du mois d'août. Tout de suite, le temps de l'actu présenté par Dominique. Le Temps du Don. Le temps de l'actu. Bonjour Dominique. Bonjour Issaf. Alors Dominique, que vas-tu porter à notre attention ce mois-ci ? C'est toujours le niveau des réserves qui reste faible durant cet été qui attire mon attention. C'est vrai pour le don de sang, mais aussi pour le plasma. Les malades ne prennent pas de vacances, ni leur maladie, donc pensez à eux quand vous ennuierez au bord de l'eau. Ok, y a-t-il autre chose ? Ah oui, l'autre sujet, c'est la Fédération des donneurs de sang bénévoles qui relance comme chaque année son concours de dessin pour les écoles. Alors nous sommes en août et la rentrée de septembre se prépare. Alors si votre école ou votre collège veut participer à ce concours national, c'est le moment d'y réfléchir. Il suffit de demander à l'association la plus proche un parrainage. Le but est de réaliser un dessin original à la main, sans collage et en couleur. Et s'il est choisi, alors il pourrait être l'emblème pour la Fédération lors de ses prochaines communications. Alors je m'y prends un petit peu en avance, mais le rendu il est pour début 2027, mais si l'école veut travailler dessus, c'est un beau projet à mener dès la rentrée pour comprendre ce qu'elle sent et à quoi ça sert de tendre le bras pour donner. Ok Dominique, merci. As-tu une autre actualité à nous partager ? Ouais, la dernière, c'est enfin, je voulais terminer par une actualité plus brûlante, hein, c'est le cas de le dire. C'est chaud. C'est la marche du cœur que mène en... Enfin, je voulais terminer par une actu plus brûlante. C'est chaud. Ouais, c'est la marche du cœur que mène Jérémy, Agenbourgeur, qui n'est pas d'ici, hein, mais il va passer dans le coin. C'est du 25 juillet au 18 août. Il va parcourir les routes de la région Grand Est, soit 573 km à pied, évidemment, puisque c'est la marche. Quelle drôle d'idée. Il part donc de Troyes le 25 juillet et va arriver à Marlenheim, hein, route des vins, le 18 août. Il va aller à la rencontre de tous pour sensibiliser au don de sang, être plasma, récupérer des promesses de dons. Il y aura des collectes sur les lieux de passage. Si vous voulez le soutenir, eh bien, il a sa page Facebook, évidemment, et une tirelire en lien. Et puis, vous pourrez faire quelques kilomètres avec lui pour le soutenir, car il passe en Meurthe-et-Moselle les 7 et 9 août, entre Pont-à-Mousson et Lunéville. L'objectif est clair, sauver des vies. Tous les ans, depuis 2014, il fait cette marche solidaire, mais pas solitaire, car il est accompagné avec des amis et par des associations qui le soutiennent localement et l'aident dans la logistique. Juste pour donner le tournis, en 2023, il a fait Saverne-Marseille, wow. Soit 850 km en 24 jours. Alors, en dehors de la marche, Jérémy est un donneur infatigable puisqu'il a donné plus de 400 fois, comme quoi le don de plasma, sûrement, n'empêche pas de garder la forme et même cela y contribue. Ok, merci Dominique. Donc c'est vrai que Jérémy arrive ce vendredi à 15h place Stanislas à Nancy en provenance de Pont-à-Mousson. Alors allez-y si vous pouvez. Le temps du don, le temps de l'édito. Quand on parle de sauver des vies, on pense souvent au don de sang. Plus rarement au don d'organes. Pourtant, ces deux formes de dons sont complémentaires et reposent sur une même valeur, la solidarité. Le don de sang, on en parle ici tous les mois, est un geste du quotidien. En France, des milliers de personnes donnent régulièrement pour répondre aux besoins des hôpitaux. Victimes d'accidents, personnes opérées, patients atteints de cancer ou de maladies du sang, tous peuvent avoir besoin d'une transfusion ou de médicaments dérivés du plasma. Et le sang ne se fabrique pas, n'en déplaise à ce que l'on peut lire ou voir sur certains réseaux sociaux parfois. Il ne se remplace pas, il dépend uniquement de la générosité des donneurs. L'établissement français du sang le rappelait encore au mois de mai dernier lors des ponts, ce sont 10 000 dons qui sont nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins. Le don d'organes, lui, intervient dans des circonstances bien différentes. Il permet de greffer un cœur, un rein, un foie ou encore des poumons à des personnes dont la vie est menacée. En France, la loi repose sur le principe du consentement présumé. Chacun est considéré comme donneur potentiel, sauf s'il a exprimé son refus de son vivant. C'est l'Agence de la biomédecine qui coordonne cette mission essentielle. Ces deux dons n'ont ni les mêmes modalités, ni le même contexte, mais ils poursuivent le même objectif, offrir une chance de vivre. Ils nous rappellent aussi une vérité simple, nous sommes tous, un jour ou l'autre, susceptibles d'avoir besoin des autres. Alors, derrière chaque poche de sang transfusée, il y a un donneur anonyme. Derrière chaque greffe réussie, il y a une décision généreuse, souvent prise dans des moments difficiles. Parler du don d'organes avec ses proches, s'informer sur le don de sang, franchir la porte d'une collecte ou d'une maison du don, ce sont autant de façons de participer à cette chaîne de vie. Et peut-être que la plus belle définition de la solidarité tient en ces quelques mots. Donner pour que quelqu'un d'autre puisse continuer à vivre. Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans le temps du don, nous recevons le secrétaire de la DOT, le docteur Jean-François Perrier. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans le temps du don. Oui, merci de m'avoir accepté. Mais avec grand plaisir. Alors, dans un premier temps, docteur, je vous demanderai de vous présenter à nos auditeurs. Je vous ferai participer à un quiz. Et vous verrez, pour le quiz aussi, hein, on est accompagné de trois personnes dans le studio. On a Lilou, Quentin et Elliot qui participeront à ce quiz. Et je vous inviterai à nous parler de votre association, de sa raison d'être et des actions que vous menez. C'est OK pour vous, docteur ? C'est parfait. Allons-y. Alors, docteur Jean-François Perrier, qui êtes-vous ? D'où êtes-vous originaire ? Alors, je suis originaire de Belfort, mais j'ai fait toutes mes études à Nancy et j'ai travaillé toute ma carrière au CHU de Nancy, okay, dans un service de réanimation, la réanimation chirurgicale de Brabois, qui s'occupait d'accepter les patients en mort encéphalique pour prélèvement d'organes et qui également s'occupait des greffés du poumon, du foie, du pancréas et du rein. Okay. Pour le cœur, c'était une autre réanimation. Ça pose déjà un peu le décor, là. Actuellement, vous exercez encore ? Alors, je suis en retraite depuis 2 ans, ce qui m'a permis de rejoindre la DOT, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup concerné pendant toute ma carrière, parce que j'ai vu les débuts, je veux dire, de la transplantation, ouais, et toute son évolution, et j'ai été passionné par ce sujet. Et donc, j'ai rejoint la DOT, Association départementale pour le don d'organes et de tissus humains. Voilà. Et je suis le secrétaire de cette association actuellement. Donc depuis 2 ans, vous êtes le secrétaire, voilà, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc ADOTH, hein, c'est important, ADOTH, il y a des réseaux sociaux, il y a un site internet, donc on peut aller aussi se renseigner sur ces éléments-là. Ok, monsieur Jean-François Perrier, merci docteur pour cette présentation. Allez, on va passer au quiz avant de parler de la suite. Le temps du don, le temps du quiz. Allez, donc là, je vais poser la question à mes... on est combien, là ? Mes 5 personnes que j'ai en face de moi. Donc, sous forme de QCM, hein, ABC, et la question, elle est... C'est la suivante. Jusqu'à quel âge peut-on s'inscrire pour être donneur de moelle osseuse ? Alors, petit A, 55 ans. Petit B, 45 ans. Petit C, 35 ans. Alors, à votre avis, je vous écoute. Petit C. Alors, j'ai un petit C. Un petit C. Un deuxième petit C. Petit B. Ouais, j'aurais dit le B aussi. Alors, j'ai 2 C, 2 B. Eh ben, c'est le C. Et effectivement, docteur, vous avez la bonne réponse. Bravo à mes 2 candidats qui, physiquement, se trouvent sur ma gauche. Peut-être qu'il a lu la réponse, d'ailleurs. Pour pouvoir faire un don de moelle osseuse, je précise, je donne quelques infos complémentaires. Il faut, au préalable, être inscrit sur le registre France Greffe, hein, concernant la moelle. Et cette inscription doit impérativement avoir lieu entre ses 18 et ses 35 ans. Alors, bien sûr, le don peut intervenir après, hein, jusqu'à ses 60 ans. Hein. Mais voilà. Donc, allez, on va passer à la deuxième question. Et on va rester sur une question d'âge. Donc, ouais, je cache mon écran. Allez, la deuxième question, c'est jusqu'à quel âge un homme peut-il donner ses spermatozoïdes ? On finit l'année en beauté. Petit A, 33 ans. Petit B, 44 ans. Petit C, 55 ans. Alors, je vous écoute. Ah, il y a moins d'enthousiasme là, manifestement, pour répondre. Qui va se lancer en premier ? On va dire le C. Donc, j'ai un 55 ans sur ma droite. 44 ans. Ouais, moi, je dirais 44. 5, 2, 44. 44 aussi. 1, 44. Un 55. Et un 55 ? Eh ben la bonne réponse, c'est 44 ans, en fait. Donc bravo pour ceux qui ont donné cette bonne réponse. Un petit complément d'info aussi, issu de l'Agence de la biomédecine. Le don est possible pour tout homme en bonne santé de 18 à 44 ans inclus, qu'il ait eu ou pas des enfants. Donc ça, c'est aussi des questions qui sont posées. C'est un acte gratuit, hein, et réalisé dans un établissement hospitalier autorisé. Et pour information, en 2021, il y a près de 870 enfants qui sont nés grâce à un don de spermatozoïdes. Et en 2022, 764 hommes ont été candidats pour faire un don de spermatozoïdes. Voilà quelques éléments chiffrés. Un dernier chiffre. Au 31 décembre 2022, il y a près de 5650 personnes qui étaient en attente d'un don de spermatozoïdes. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, mais voilà, c'était le moment culturel, donc j'espère que vous avez appris des choses en participant à ce quiz. Le temps du don, le temps de l'invité. Alors aujourd'hui dans le temps du don, nous recevons le secrétaire de l'association départementale pour le don d'organes et de tissus humains, le docteur Jean-François Perrier. Donc on a fait connaissance et puis donc du coup maintenant j'aimerais qu'on aborde le sujet à proprement parler du don d'organes. Allez, juste un chiffre, au 1er janvier 2026, il y a 23 294 personnes qui étaient inscrites en attente de greffe. En attente de greffe. Donc c'est quoi? C'est beaucoup? C'est en évolution? C'est comment, docteur? C'est beaucoup, ça augmente régulièrement, ouais. Parce qu'il y a un vieillissement de population, et mm-hmm. puis les greffes ont également beaucoup évolué en progrès et en durée de vie, donc ce qui permet d'aller plus loin, je veux dire, dans les greffes aujourd'hui. Okay. Alors le problème qu'on a, c'est que sur ces 23 000 personnes en attente, bah, il y a à peu près, l'année 2025, 966 personnes qui sont décédées sur la liste d'attente, faute d'avoir eu un organe. Ouais, c'est énorme, hein. Quasiment 1000 personnes. C'est-à-dire 3 par jour, voilà, pour se donner une idée. Bah voilà, ça calme. Alors de l'autre côté, c'est le problème des donneurs. On ne peut être donneur vivant éventuellement pour un rein, ça c'est possible, oui. Mais c'est uniquement dans une famille proche. Mmh. Il faut avoir plus de 18 ans, et il faut être en très bonne santé. Et puis l'autre solution, c'est des patients qu'on appelle en mort encéphalique, c'est-à-dire le cerveau est détruit, mais la circulation fonctionne encore, ce qui permet dans un laps de temps très court de pouvoir prélever les organes. Qu'est-ce qui peut être prélevé, qu'est-ce qui est donné le plus fréquemment? Le plus fréquemment, bah, c'est bien sûr le cœur, les poumons, le foie, le rein. Et puis le pancréas et éventuellement l'intestin dans de très rares situations. Ok, donc ça en fait quand même des organes qui peuvent sauver des vies. Sur alors un mort encéphalique, on peut espérer sauver combien de vies si tout est... Si tout est prévenable, on peut aller jusqu'à 7 greffes d'organes. Et donc favoriser 7 personnes. Clé, alors pour le rein... Pas forcément dire sauver une vie, puisqu'il y a l'alternative de la dialyse. Ouais. Pour tous les autres organes, il n'y a pas d'autre solution. Donc, allez, si je résume, un mort peut sauver cette vie. Voilà, c'est ça. Wow. Pour représenter le nombre de morts encéphaliques, en France meurent à peu près 690 000 personnes par an en France, tout âge, toute cause confondue, statistique de l'INSEE. En 2025, on a eu seulement 3177 personnes qui était en mort encéphalique, sur lequel s'est posée la question du prélèvement d'organes. Ok, et du coup... Et sur ces 3177 personnes, quand on a posé la question aux familles, eh ben, on a eu 37% d'opposition. Alors vous allez me dire pourquoi on a posé la question aux familles. Pourquoi on a posé la question aux familles? Ben, normalement, la loi, c'est s'il n'est pas opposé, on peut le prélever. Tout le monde croit ça, et ne fait pas de démarche. Alors, Sauf que pour savoir s'il est opposé... Il faut poser la question à la famille. Et est-ce que la famille sait la position de cette personne? Et malheureusement, il y a beaucoup trop souvent de situations où la famille ne sait pas. On est dans une période extrêmement difficile de la mort brutale, souvent d'un jeune en plus. Et donc, dans cette situation, bah, les familles, sous le choc, disent non. Dans le doute. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a eu 37% d'opposition. Si dans les 3177 situations, on avait posé la question aux personnes de leur vivant avant, malheureusement, qu'elles décèdent, on aurait eu entre 18 et 20%. Ce qui fait un défect, je vais dire, de 20% sur les 3177. 20% sur 3177, sans être fort en maths, ça vous fait à peu près 640 personnes. Et fois 7 organes, donc vous voyez que tous les décès sur la liste d'attente auraient pu être sauvés. Ok, faire un petit jeu là, j'ai profité, là on est 6 autour de la table. Qui a déjà parlé à sa famille du don d'organes et s'est positionné, que ce soit oui ou que ce soit non? Alors moi je vais commencer, moi. Moi. Moi. 4. On est 4 sur 6 à avoir déjà pris position et informé les familles. Alors quand on dit informer les familles, c'est en parler et le redire. C'est pas le dire juste une fois, parce qu'après il peut y avoir des oublis. Mais du coup, c'est plutôt des donneurs plutôt relativement jeunes, parce qu'à partir de tous les âges, ça va de 0 à une centaine d'années. On a même fait, il y a eu 2 prélèvements qui ont eu lieu à plus de 100 ans. Ah oui? 2 fois. Donc, dans le monde, je ne parle pas forcément en France, où les greffes ont fonctionné. Donc, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à la qualité des organes. Il y a des personnes, malheureusement, à 60 ans, je vais dire, il n'y a plus beaucoup de possibilités de prélever. Et puis, il y en a d'autres qui sont en excellente santé. Et je vais dire, quelqu'un qui est en dialyse ou qui arrive en dialyse à 75-80 ans, bah, vaut mieux qu'elle ait un rein même de 80 ou de 85 ans que rien du tout et que d'être obligé d'aller en dialyse. Mmh. Et les donneurs, c'est forcément des personnes qui ont un accident. C'est pas une ils décèdent pas pour une cause de maladie. 70% des causes des donneurs, c'est des accidents vasculaires cérébraux. D'accord. C'est-à-dire, c'est des ruptures d'un vaisseau ou une artère dans le cerveau qui se bouche. C'est la cause la plus fréquente. Parce qu'on a l'image des accidents de la route. Et le reste, c'est à peu près 20% d'accidents de la route. Et 10%, c'est des arrêts cardiaques réanimés. Mais le temps de réanimation a été un peu trop long, ce qui fait que le cœur est reparti, mais pas le cerveau. Donc en fait, il y a assez peu de temps entre le moment du décès et le moment où on peut encore greffer les organes, donc il faut aller vite. Dans les maximum 24 heures, je vais dire, tout a été organisé entre l'accident, je vais dire, initial, enfin la mort encéphalique et le prélèvement. Donc ça veut dire que la famille, il faut vraiment qu'elle ait conscience de ça et qu'elle soit informée, en capacité de pouvoir réagir très vite. De passer au-dessus du décès, parce que c'est rapide à faire. C'est très rapide, c'est-à-dire que l'annonce du décès va suivre à très peu d'intervalle l'annonce du prélèvement. Et là, ça va être, je vais dire, pour les familles très difficile, je vais dire, à entendre. Et les deux grosses questions, toujours, c'est comment va être restitué la personne, est-ce qu'on va pouvoir faire les modalités funéraires, etc. et tout ça. Et là, il faut être très rassurant. Je vais dire, cette personne-là va être redonnée à la famille comme si elle avait eu une opération classique, avec elle est recousue, il y a une cicatrice, ça c'est indéniable, mais ça, l'aspect, je vais dire, de la personne est tout à fait conservé et ça, on y tient énormément. Et la deuxième question qui se pose, c'est laquelle ? Parce que vous avez dit la deuxième question, c'est la question des religions. Alors, on a fait des réunions et des débats à ce sujet, dont l'année dernière, un grand débat avec un représentant des religions musulmanes, judaïques, protestantes et catholiques. Et toutes les religions, à partir du moment où c'est pour le faire le bien des autres, je vais dire, sont favorables au don d'organes. Et également, il n'y a rien qui interdit spécialement dans une religion le fait de faire un prélèvement. Que ce soit le Coran, la Torah, la Bible ou autre chose, rien n'est écrit, je vais dire, à ce sujet. Forcément, je vais dire, il y a 2000 ans, on discutait pas trop. N'était pas de question. Mais bon, c'est pas, voilà. Je crois que ça a été enregistré, il me semble, hein, cette, cette réunion-là. Elle est disponible sur demande, justement. Elle est sur le site de la DOT. La DOT, et sur demande, vous pouvez avoir cette, débat. Oui, débat. Il était très intéressant. Tout à fait. Au niveau donc association départementale, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour faire pour promouvoir Eh ben, on essaye de faire sur le terrain beaucoup de formations. Alors, on va dans les lycées, pratiquement toutes les classes de première SVT de la région, donc Meurthe-et-Moselle, puisque on est association départementale, il y a des associations identiques dans les autres départements, et donc on fait un cours de 50 minutes pour informer justement sur le don d'organes. Alors ça, c'est une activité. On allait au SNU, Service National Universel, aussi faire ses formations, à la JDC, Journée de Citoyenneté. Et chaque fois que l'on nous demande dans des manifestations grand public, alors ça peut être un match de foot, sportif, un match de volley, ça peut être à la pépinière, là, la journée des associations et tout ça, où on fait de l'information grand public, à la fête du Parc Sainte-Marie du 3 mai aussi, voilà, on était présents, enfin... Bon, ça fait quand même quelques points communs quand même avec les associations de donneurs de sang, hein, tout ça. On se retrouve. On est sur la même thématique. Enfin, on est sur le don, hein, évidemment. Donc, ok. Y a-t-il d'autres actions là qui sont en prévision là ? Alors, oui, il va y avoir une action importante le samedi 17 octobre. C'est la Journée mondiale du don d'organes et l'association ADOT avec les autres associations partenaires qui militent pour le don et pour la greffe. On fera un petit parcours sur la place Charles III à Nancy. Ok, très bien. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à la rentrée. Allez, en guise de mot de la fin, juste qu'est-ce que vous diriez pour convaincre des personnes de venir donner leur sang ? On n'a pas trop abordé le sujet, mais je pense que vous avez besoin de poches de sang à certains moments pendant les opérations, les transplantations. Donc, ça, c'est tous les jours, dire, et c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas savoir vous-même si pas demain, vous n'aurez pas besoin de deux ou trois poches de sang suite à une opération, un accident ou ce que vous voulez. Et donc, c'est important qu'on ait des réserves et une visibilité qualité aussi, je vais dire, sur les stocks. Sur les stocks. Parce que c'est la grosse difficulté actuelle. Les périodes de Noël sont très aussi en déficit. Forcément, on pense plus au foie gras que d'aller donner son sang. Mais voilà, et puis les périodes des vacances avec les chaleurs. Et il y a souvent des lieux de collecte sur les lieux de vacances. Bah, c'est peut-être l'occasion d'y faire un petit tour. Merci docteur Jean-François Payet, donc le secrétaire de la DOT. Donc merci pour cet échange. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors Dominique, où les personnes qui ne sont pas en vacances, ou les juilletistes qui sont de retour de vacances en forme, peuvent-ils aller donner leur sang ce mois-ci dans le département ? Donc au mois d'août, il y a beaucoup de collègues car les réserves sont basses, comme toujours, donc on pourra donner son sang dans notre département à Frouard le 12 août. Nancy, c'est donc sur la place Stanislas, mais juste à côté au Musée des Beaux-Arts le 18 août de 13h à 18h. À Champignol le 26, Aycourt le 27, à Saint-Nicolas-de-Port le 7 août, Lunéville le 13 août, à Dombasle le 17, Damleuvière le 19 août, puis on continue un peu plus loin dans le Toulois. Dans Toulois ? Allez. Ouais, dans le Toulois. On y va. Dommartin-les-Toules le 7 août aussi, donc aujourd'hui, Colombey-les-Belles le 20 août, Écrouves le 28 août, et puis si on continue monte un petit peu plus haut, comme allez, à chaque fois, je monte à Pont-à-Mousson le 10 août, à Longwy le 24 août, et puis on finit à Nomni le 31 août. Et comme d'habitude, ne partez pas en vacances sans avoir téléchargé l'application Don de sang. Vous trouverez les dates à côté des plages, ou même pour ceux qui restent ou qui travaillent pendant les mois d'août, vous y trouverez les conseils pour donner son sang, pour être en forme, et même votre chemin pour aller dans les collectes. Et vous trouverez d'autres endroits sur le site dondesang.fr. Merci Dominique. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique la saison prochaine, dès le vendredi 4 septembre à 12h30 avec un nouvel invité pour la première émission de la saison 2.